Est-ce qu'il marche encore? J'en doute. Il est au vent et à la pluie depuis si longtemps. Tout doit être usé. Je vais aller le regarder. Je me doutais bien que tu voudrais aller le voir. Il s'intéresse aux bicyclettes? Oui, c'est sa passion. Luc, venez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Devinez quelle est la marque du vélo. Je ne sais pas, moi. C'est un cyclotourisme et il est en état de marche. Eh bien, quelle réclame pour votre usine, Luc?